épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gameuzo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui dans les studios de RGM, je reçois Pascal Georgel. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Merci à vous de me recevoir. Merci à vous d'être venu. J'ai vu que mon petit générique avait un petit succès. Oui, très belle musique. Mais c'est une musique qui est passée dans pas mal de films. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je suis aujourd'hui... Je représente l'association stéphanoise Everybody Dance. Voilà, je suis le professeur. C'est une association qui a été créée en octobre 2021, où l'on reçoit des enfants, des adultes, dans des disciplines danse. Les enfants ont fait du danse show, du rock'n'roll, du street jazz. Les adultes, danse latine, rock'n'roll, salsa et bachata. Alors justement, c'est quoi l'association Everybody Dance ? C'est un club, loi 1901, voilà, où on reçoit, comme je vous disais, des enfants et des adultes pour des cours de danse. Qui la compose, cette association ? Alors on a un bureau, automatiquement, un bureau, président, secrétaire, trésorier, et puis les membres. Les membres, donc ce sont les danseurs. Et depuis quand elle existe, cette association ? Octobre 2021, de mémoire. Ah, c'est très récent, du coup. Oui, on a déjà fait l'an dernier, et puis on a redémarré, parce qu'on tourne en fait comme les scolaires, de septembre à juin. Et on a redémarré donc la deuxième année, là, en septembre. Quel est votre rôle au sein de l'association ? Alors, je suis le professeur de danse. Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association Everybody Dance ? En téléphonant soit à la présidente ou à moi-même pour les inscriptions. Autrement, on fait des portes ouvertes, qui est la première semaine de septembre. Donc, au club, c'est 20 rue de la Mai, à Saint-Étienne. C'est l'ancienne école de garçons. Et de mémoire, je crois qu'on organise une foire aux associations qui est tous les deux ans à Saint-Étienne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la présidente de l'association ? Eh bien, moi je l'ai connue parce qu'elle est directrice du centre aéré. Elle m'a demandé de faire des stages pour les enfants. Et on a sympathisé et on a parlé de club, création d'un club sur Saint-Étienne. J'ai accepté volontiers. Alors, vous avez une école de danse, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, j'ai une école de danse, oui, à Golbey, depuis assez longtemps. Je me déplace dans beaucoup de structures et je fais beaucoup de workshops, des ateliers danse un petit peu partout dans l'Est, en fait. Vous avez quelque chose à dire sur Saint-Étienne-lès-Remiremont ? Je suis bien reçu à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Je veux dire, on a beaucoup d'adhérents. Le club marche très, très bien, donc oui, je suis super content. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer votre propre école ? Parce qu'au départ, j'étais danseur, j'ai fait des compétitions, et donc ça m'a plu. Et j'ai passé un diplôme en 1984. N'étiez pas née, Laura ? Non, je suis née 4 ans après. Et puis après, j'ai créé ma propre école une fois que j'ai été diplômé. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la danse ? Le contact avec les gens, la convivialité, tout quoi. Leur apprendre, en fait. Est-ce que c'est un exutoire pour vous aussi ? Est-ce que ça vous fait du bien de danser ou d'enseigner la danse ? Alors, je redanse depuis peu parce que j'ai trouvé une partenaire. Donc, je redanse, oui. Et c'est vrai que ça fait du bien. Alors, justement, depuis quand est-ce que vous êtes professeur de danse ? Alors, professeur, avec le titre professeur, depuis 1984. Et depuis quand est-ce que vous dansez ? 1972-73. Ah, j'ai commencé à danser, eh oui. Très jeune, donc. Oui, très jeune. J'ai fait des compétitions nationales et internationales, parce que j'étais champion de France en 82. Après, j'ai fait les championnats d'Europe, et puis après, j'ai arrêté en compétition. À l'obtention du diplôme, j'ai arrêté, puisque j'ai créé ma propre école. Du coup, comment vous êtes tombé dans la danse ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ça ? Bonne question. j'avais une petite fiancée, j'étais jeune, j'avais une petite fiancée. Son papa était président d'association, organisait beaucoup de balles, et puis moi je faisais tapisserie, quoi. Donc j'ai décidé de prendre des cours, tout simplement. Avec une belle carrière derrière, du coup ? Eh oui, oui. belle, je ne sais pas si elle est belle, mais une carrière, oui. Bah, longue, du coup, parce que si vous dansez depuis les années 70, que vous enseignez depuis les années 80... Ouais. C'est une belle, je suis pas tout carrière. Jeune, c'est ça ? Vous voulez dire, Laura ? Non, du tout. C'est que vous avez un bon CV, pour le coup. Exactement, oui. Ah, oui. Quelle danse est-ce que vous pratiquez ? Alors, à Saint-Étienne, on pratique donc pour les enfants, comme je disais tout à l'heure, le rock'n'roll piétiné, c'est-à-dire le rock de base, pas de rock sauté pour l'instant, ni acrobatique. On fait du dance show, toutes les musiques actuelles, et un petit peu de street jazz, des musiques modernes. En adulte, on fait, alors on a deux niveaux, on a un niveau débutant et un niveau intermédiaire. D'accord. Donc les débutants, on fait rock, salsa et bachata, et pareil en intermédiaire, mais donc niveau au-dessus, avec des figures un peu plus complexes. Alors vous parliez des différentes variantes de danse rock, est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que je connais que le rock acrobatique, je ne savais même pas qu'il y en avait d'autres. Au départ, il y a eu dans les années 30, 1927 exactement, le Lindy Hop, qui est un dérivé donc, du rock'n'roll. Après, il y a eu le Boogie Woogie. Et après, dans les années 50, il est venu seulement le rock'n'roll. Alors il y a une différence de pas, de technique. Le rock'n'roll, c'est du 6 temps. Et le boogie, 6 temps aussi. Le Lindy Hop, c'est du 8 temps. C'est vague un peu pour vous tout ça. Ouais. Quand on ne connaît pas du tout oui. Les milieux, tout oui, ça, oui, c'est oui, compliqué. Oui. Mais bon, c'est vrai que le Lindy Hop a pris un engouement là, depuis quelque temps à Paris, avec les rats de cave. Voilà, ça a très très bien pris et ça redémarre un petit peu. Bon, y a une danse que j'aime beaucoup regarder, c'est le Charleston, je crois que c'est les années 20. À chaque fois qu'il y a des films là-dessus, c'est vraiment alors, trop bien. Alors, vous parlez de Charleston, oui, effectivement. Donc, d'où est venu après le Lindy Hop? Parce que c'est un peu ces musiques-là, les musiques entre les années 20 et les années 30, en fait. Mmh. Et dans le Charleston, c'est une musique à 8 ans. Et dans les chorégraphies de Lindy Hop, on place des pas de Charleston, mais en couple. Quel est le profil de vos élèves, la tranche d'âge à peu près? Alors, les enfants, on va démarrer à partir des enfants. Donc, on a des enfants, on a une session qui est le samedi matin de 10h à 11h. Ce sont les petits de 6 ans. Et de 11h à 12h, ce sont les 8-10 ans dans les disciplines que je vous ai dit. Et les adultes, je pense les plus jeunes doivent avoir 25-28 ans et ça va jusqu'à 60. C'est assez mélangé en fait. Et du coup, les plus petits, ça ne doit pas être facile à gérer si c'est, ils ne se dissipent pas un peu trop? Alors, les petits, donc j'ai une monitrice que je suis en train de former qui vient, donc qui habite à Remiremont. Et qui prend les petits donc le samedi matin. Non, il n'y a aucun problème. Les petits, je pense qu'à peu près, on doit en avoir quand même une quinzaine. Donc ça marche. Et ils vont faire, certains d'entre eux vont faire leur première compétition. On y reviendra donc le 15 avril à Saint-Étienne, puisque c'est le club stéphanois qui va organiser cette première compétition, un trophée de rock'n'roll. Combien d'élèves font partie de Everybody Dance? Alors, enfants, adultes, je dirais à peu près... une bonne soixantaine. Ah, quand même? Oui, oui. On espère en avoir plus. Bah, peut-être que via cette émission, il y en a qui s'inscriront. Qui sait. Mais je pense, car vous êtes écoutés. Est-ce qu'il existe des danses qu'on peut pratiquer seul ou pas? Oui, mais pas forcément Everybody Dance. Mais autrement, oui, toutes les danses en ligne, les land dance. Parce que quand on dit danse en ligne, les gens pensent que c'est en fait sur Internet. Suite au Covid, les gens pensaient que c'était danse en ligne, c'était en ligne en fait. Mm-hmm. Donc oui, Madison, le plus connu, Jérusalema, qui est un tube interplanétaire quand même. Nous avons le Bayon, la Cumbia, le Tango Solo, la Bachata qu'on fait également en ligne. Voilà, toutes ces danses-là. Ah, le Tango, je ne savais pas que ça pouvait se danser toute seule, parce que c'est une danse assez sensuelle, je crois. Alors, tango argentin, assez sensuel. Le tango basique, le tango de base, musette, quoi, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Mais là, le tango solo, c'est un orchestre qui a créé cette musique et une chorégraphie a été placée dessus, en fait. Chorégraphiée dessus. D'accord. Et ça se danse beaucoup maintenant dans tous les bals. Nous allons faire une première pause musicale avec une chanson que vous avez choisie, à savoir de la salsa. Et nous parlerons ensuite de danse. À tout de suite sur Radio Gamozo. À tout de suite, merci. La clave, mi gente. La clave llama la salsa. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Salseros si llaman, yo vengo. Puerta que vengo apretando. Nous sommes de retour avec Pascal sur les ondes de RGM. Alors Pascal, quelle danse rencontre le plus de succès pour les inscriptions et pourquoi ? Alors, comme je vous avais dit, donc au niveau des enfants, beaucoup le rock'n'roll et beaucoup des petites chorégraphies, des ballets de danse show en groupe en fait, sur des musiques actuelles. Pour les adultes, à Saint-Étienne, on fait uniquement le rock'n'roll, la salsa et la bachata. On ouvrira peut-être un atelier l'année prochaine, plus sur du musette, valse, tango, passe-d'aube, cha-cha-cha, foxtrot, etc. Les danses de bal. Et c'est quoi de la danse de salon ? La danse de salon, c'est tout ce qui se pratique justement bah, au bal. Il peut y avoir des danses latines, comme le passe-d'aube, le jive qui est un dérivé un peu du rock'n'roll, le cha-cha-cha, la samba. Et les danses standards, valse française, valse musette, donc la valse anglaise, appelée communément le boston, foxtrot, quickstep, et le tango. Foxtrot et quickstep, ça demande pas mal d'énergie, ça. Alors, c'est un petit peu pareil, mais le quickstep, c'est plus compétition. Foxtrot, oui, bah, le pas du renard. C'est comme un tango, mais un petit peu accéléré. C'est la même base rythmique sur du 4 temps. Bah, je connais ce nom parce que c'est à force de regarder des émissions. Mais voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment les danses appliquées, parce que des fois, c'est sur des musiques qui ne vont pas du tout avec la danse. Alors, c'est vrai qu'ils reprennent des musiques, ouais. Et nous, quand on essaye personnellement en cours, des fois, les gens, c'est pas un foxtrot, c'est pas un quickstep, c'est pas du rock. Mais c'est vrai. C'est quoi être chorégraphe ? Chorégraphe, c'est créer ses propres chorégraphies sur les musiques qui vous plaisent. Bon, personnellement, je fais beaucoup de chorégraphies en rock'n'roll, rock sauté ou rock acrobatique. Après, les chorégraphies, vous prenez un petit peu des mélanges de pas, donc sur la discipline, mettons si c'est sur une salsa ou une bachata, vous prenez des pas de base que vous mettez bout à bout, vous créez votre propre chorégraphie en fait. C'est quoi la bachata ? La bachata, ça nous vient de République Dominicaine, un petit peu, on va dire, allez, la cousine de la salsa. C'est beaucoup plus facile à apprendre. Beaucoup plus lent. Alors pareil, il y a plusieurs sortes de bachata. Il y a la moderne, la sensuelle. Donc ici, on pratique plus la moderne. Donc la moderne, c'est on se tient face à face avec prise des deux mains. Que la sensuelle, on est plus collé, plus serré, avec plus de mouvements de bassin, des ondulations, des waves, etc. Du coup, comment est-ce que vous choisissez vos chorégraphies ? Est-ce que c'est en fonction des paroles d'une chanson, par exemple, quand c'est un slow, quelque chose comme ça ? Oui, parce que je me cale, en fait, sur les phrases musicales quand je travaille une chorégraphie. Donc, des fois, vous avez des phrases musicales de... Si je prends en danse en ligne, en line dance, c'est surtout des phrases de 16 ou 32 temps. Sur les quatre murs, on danse sur les... Comme le Madison, on tourne, en fait, au bout de 16 temps, on reprend un autre mur, etc. Donc des fois, on fait sur deux murs, sur 32 temps. Alors vous êtes également juge pour les compétitions. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus ? Alors, j'étais juge parce que j'ai arrêté un petit peu les compétitions internationales. Mais juge, oui, j'ai passé mon diplôme en 92, diplôme de juge international. Donc j'ai jugé quelques compétitions, ben, je jugeais pas mal de compétitions nationales, dans toute la France donc. Et après, je suis parti peut-être une dizaine de fois à l'étranger, juger des Coupes du Monde, des Championnats du Monde, des Coupes d'Europe, surtout de rock, de boogie, de l'indie hop. Ça doit être super ça, mais ça demande pas mal d'exigences aussi. Fatigant, oui, parce qu'on y va avec nos propres moyens. Et oui, parce qu'on est d'être attentif. Il y a des sélections, en fait, des éliminatoires qui démarrent des fois à midi. Et vous terminez la soirée à 23h minuit. Ouais, avec des petites pauses, quoi. Oui, quand même. Ouais, oui. Parce que sinon, ça serait un peu compliqué hein, s'il n'y avait aucune pause. Est-ce que vous avez des horaires précis pour les leçons de danse ou pas? À mon studio, oui, je suis ouvert de 7h du matin parce que je prends des fois des cours particuliers, beaucoup de cours particuliers. Je fais des ouvertures de bals, de mariage, des enterrements de vie de jeune fille. Donc ce sont des gens qui peuvent venir soit le matin ou entre midi et deux, ou alors le samedi et le dimanche. Pour Everybody Dance, alors les cours des enfants, comme je vous disais, c'est le samedi matin, de 10h à 12h. Et pour les adultes, de 18h à 22h, le mercredi, tous les mercredis, hors vacances scolaires. Je voulais partager avec vous une citation de Marie-Claude Pietragala, qui est une danseuse connue, qui dit que danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous ? S'interroger, c'est vrai qu'on s'interroge toujours, parce qu'on essaye toujours d'aller au-delà de soi-même, de créer, nous, personnellement, les professeurs, les chorégraphes, de trouver, de créer des nouvelles chorégraphies, en fait. Et c'est vrai que ça fait énormément de bien. J'en ai une autre de citation, cette fois-ci, de Yuri Bonaventura, qui lui dit que danser, c'est comme parler en silence, c'est dire plein de choses sans dire un mot. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, nous, on n'éprouve pas cela parce que, enfin, nous, en tant que professeurs, parce que quand on danse, quand on fait nos cours, on parle constamment, on n'est pas comme un danseur de classique où il ne parle pas, il s'exprime uniquement par les gestes, par le corps. Alors nous allons faire deux pauses musicales avec deux sons que vous avez choisis, à savoir une chanson de Céline Dion, Regarde-moi, suivie d'une bachata. On se retrouvera juste après sur le 107. C'est comme une machine à fond de train, une locomotive qui foncerait sans fin. Des coups, des secousses, je m'habitue pas. Qui conduit, qui pousse ce train, qui sait où il va. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Faut qu'on l'arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique, je veux quelqu'un. En cas de panique, c'est écrit là. Oh, oh, oh, oh, pour tirer sur le frein à main. Regarde-moi, this song is for you, wherever you are. What's going on with my baby? Que ya no me quiere ver. She doesn't want to talk to me. She left in early morning without reasons. Seemed to have me una cartita or a clue where she might be at. I don't think that I deserve what you have done. I don't sleep and I don't eat esperando for your love. ¿Cuándo volverás? When will you come back? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? When will you come back? ¿Cuándo volverás? Dime, morena, ¿y a dónde andarás? Tell me why, ¿me haces esto, mujer? If I always loved you, ven y vuelve otra vez. Tell me why, ¿me haces esto, mujer? If I always loved you, ven y vuelve otra vez. Let me find out. Retour sur les ondes de RGM avec Pascal Georgel. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, Orange Radio et Radio Line et via l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Pascal, vous voulez nous parler d'un thé dansant. Je vous laisse nous en parler. Alors oui, le club va organiser le 12 février son premier thé dansant à Saint-Étienne, l'Hermirmont. Ça va se dérouler à la salle multi-activité SMA. De mémoire, c'est 30 route de Xenois à Saint-Étienne. Ce thé dansant sera ouvert à toutes et tous de 15h à 19h environ. Alors, qui dit thé dansant dit musette, beaucoup de musette, valse, tango, passe-doble, toutes les disciplines qu'on avait parlé auparavant. Il y aura aussi du disco, des séries disco, du rock'n'roll, de la dance, des danses en ligne, comme on a parlé. Voilà, donc ouvert à toutes et tous. Est-ce que ce sera payant? Oui, le prix d'entrée est 12 € par personne avec une boisson soft à l'entrée. Est-ce qu'il faut réserver? Oui, c'est préférable. Donc on a plusieurs numéros de téléphone, 06 48 85 76 83 ou autrement auprès de l'association. Qui peut venir? Tout le monde, enfants, adultes, voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous organisez ce genre d'événement ou pas? Oui, c'est le tout premier qu'on va organiser à Saint-Étienne, l'Hermirmont. En espérant que ça marchera et qu'on aura beaucoup de monde. C'est ce qu'on vous souhaite également. Où est-ce que vous êtes déjà produit avec d'autres événements comme ça? Un petit peu partout dans l'Est en fait. on est souvent, enfin, je suis souvent demandé pour justement organiser soit des soirées dansantes, d'été dansant, soit privées, soit par des communes, des associations, des centres, etc. Donc, je viens avec mon matériel et j'anime la soirée complète. Comment ça s'organise de telles manifestations comme le thé dansant, par exemple ? Comment ça s'organise ? Donc, on est obligé déjà de fixer une date, de demander donc à la commune pour pouvoir réserver cette date. Cette date est la salle, savoir si la salle est disponible. Après, on a des adhérents qui vont nous aider, des bénévoles qui vont nous aider pour la mise en place de la salle. Et puis pour le soir même, obtenir la buvette, etc. Est-ce que vous avez d'autres événements prévus après celui du 12 février ? Alors, le club veut organiser une compétition régionale de danse qui se déroulera dans cette même salle multi-activité, qui sera intitulée « Trophée de danse ». Donc, ouvert à tous les clubs adhérents donc au groupement. Voilà. Donc, dans cette compétition, c'est une petite compétition avec des juges régionaux et un juge international qu'on fait venir de Saint-Étienne dans la Loire, dans le 42, d'accord, qui est vice-champion du monde de la discipline rock et qui va venir ce jour-là juger cette compétition. Voilà. Donc, c'est ouvert au public. Pour assister donc à ce spectacle, en fait, voilà. Mais uniquement, ne pourront concourir uniquement des personnes qui ont une licence, oui. Alors justement, comment on devient danseur professionnel ? Ça se passe comment ? Ils passent des diplômes pour être professionnel. Après, ils ne sont pas obligés d'avoir un titre de champion d'Europe, champion du monde, etc. Passer un diplôme et après juger ou être jugé, en fait. Est-ce que vous avez des projets futurs actuellement, que ce soit avec votre école, avec l'association ou autre ? Futur, non. Alors si on peut appeler ça projet, le lendemain donc, de la compétition, le dimanche 16, le juge international restera dans les locaux le dimanche matin et le dimanche après-midi pour faire un stage auprès des adhérents et de tous ceux qui le désirent. Donc, il y aura un stage débutant, mais uniquement des personnes qui ont pratiqué depuis au moins 6 mois, et un stage intermédiaire avancé des gens qui ont plus d'un an de danse. Est-ce qu'on peut vous retrouver, vous et l'association, sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors, Madame la Présidente a créé un Facebook, c'est Everybody, plus loin, Dance, en fait, stéphanois. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à vous et à l'association Everybody Dance ? Ben, encore un peu plus d'adhérents, c'est tout, que tout tourne bien en fait. De la danse et toujours de la danse. Toujours de la danse, voilà. Des bons élèves aussi. Il y en a qui sont plus faciles à gérer que d'autres pour les L'ambiance est bonne, c'est bien, non, ça va. Alors, de toute façon, après, systématiquement, les années à venir, c'est moi qui définis si l'élève est capable d'aller au niveau au-dessus, niveau supérieur, en fait. Parce que des fois, il y en a qui ont des petites difficultés sur certaines danses, sur certains pas. Donc, on leur demande des fois de rester un trimestre de plus l'année d'après pour un petit peu parfaire les acquis, quoi. D'accord. Avant de passer au niveau au-dessus. Qu'ils aient vraiment les fondamentaux. Est-ce que vous auriez un appel à lancer à nos auditeurs pour participer au thé dansant ou à d'autres événements que vous organisez ou même à des cours de danse ? On les invite justement le 12 février à ce thé dansant, en pensant qu'il y aura toujours des retardataires qui viendront donc le jour même, en fait. Mais c'est vrai qu'il serait préférable qu'ils nous appellent pour réserver des tables, pour pouvoir bien les placer, en fait. Oui, parce que si c'est à la dernière minute, ça se peut qu'ils arrivent et qu'ils repartent aussi vite qu'ils soient arrivés. J'espère pas, parce que c'est une salle quand même qui contient plus de 300 personnes, je pense. C'est une grosse salle, la salle SMA. Donc voilà, alors après, on espère avoir bien démarré. Et je précise qu'il y aura bien du latino, qu'il y aura du musette, des valses, des tangos, etc. Du disco, du rock'n'roll, des danses en ligne. Je précise. Alors moi, quand j'entends musette, je croyais que c'était de l'accordéon. Oui, c'est de l'accordéon, le musette. D'accord. Des valses musette, des tangos musette, des passos accordéon, oui. Après, on s'adapte en fonction de la clientèle qu'il y a sur la piste de danse, en fait. Si on voit par exemple que la valse, il y a que deux personnes, on passe systématiquement à une autre série. Et généralement, les séries, elles durent 5-6 minutes. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter avant qu'on clôture cette émission ? Je donne rendez-vous à tous les amoureux de la danse, en fait, ce jour-là, et prendre contact avec nous s'ils veulent prendre des cours de danse. Cette émission est maintenant terminée. Pascal, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Laura. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Mais bien sûr, volontiers. Je reviendrai avant le 15, le 15 avril, pour cette compétition. J'espère également que via cette émission, nos auditeurs se précipiteront pour aller au Thé dansant qui se tiendra, rappelons-le, le dimanche 12 février à la salle multi-activité de Saint-Étienne-lès-Remiremont de 15h à 19h. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde!